بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence donc aujourd'hui le cours numéro 103 dans l'explication du livre de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, Kitab al-Tawhid, avec le charh de son petit-fils, le Cheikh Abdurrahman ibn Hassan, qui s'intitule Qurrat Uyun al-Muwahidin, et les commentaires de Cheikh Salah al-Fawzan de ce charh. Et on commence donc avec un nouveau chapitre aujourd'hui, c'est le chapitre 11, qui s'intitule Babun la yuthbahu lillahi bimakanin yuthbahu fihi li ghayrillah. C'est-à-dire, on n'égorge pas ou on ne fait pas de sacrifice à Allah dans un endroit dans lequel les gens sacrifient pour autre que Allah ou adorent autre que Allah. Donc on va lire l'explication de ce chapitre, mais en premier on va lire les textes qui ont été rapportés par le cheikh, l'imam Mohammed ibn Abdul Wahhab, à ce sujet-là. Et puis après on va commencer l'explication. Donc cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il a cité dans ce chapitre un verset dans le Coran et il a cité un hadith. Donc le verset qu'il a cité, c'est le verset 108 dans sourate At-Tawbah, dans lequel Allah Azza wa Jal, il dit وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ. Donc ça c'est le verset 108 dans sourate At-Tawbah, dans lequel Allah Azza wa Jal dit ce qui signifie yani, ne te tiens jamais debout en celle-ci. La mosquée qui a été fondée sur la piété, sur la taqwa depuis le premier jour, mérite plus que tu t'y tiennes. Il y a en celle-ci, hein, ou en celui-ci, en celle-ci, si c'est une mosquée, il y a en celle-ci des hommes, hein, qui aiment se purifier. Et Allah aime ceux qui se purifient constamment. Et le hadith est rapporté selon Thabit ibn al-Dahhak, radiyallahu anhu, قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. Donc, le hadith qui est rapporté ici, c'est un hadith rapporté selon Thabit ibn al-Dahhak, radiyallahu anhu. Il dit, un homme avait fait un vœu de dégorger un animal, ou une chamelle, dans un endroit qui s'appelle Bawana. Alors le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a posé la question, est-ce qu'il y avait à cet endroit-là une idole parmi les idoles de la Jahiliya qui était adorée? Et ils ont répondu non. Ensuite, il a posé une autre question, il a dit, et est-ce qu'il y avait à cet endroit-là un lieu ou une fête, hein, ou une célébration qui se répétait chaque fois à cet endroit-là? Et ils ont répondu non. Alors, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, dans ce cas, tu peux respecter le vœu que tu avais fait, car il n'y a pas, c'est-à-dire, on ne doit pas respecter un vœu qu'on a fait si cela consiste à désobéir à Allah ou dans ce qui n'appartient pas au fils d'Adam, ou dans ce qui n'appartient pas au fils d'Adam. Et c'est rapporté par Abu Daoud Et donc le cheikh il dit wa isnaduhu ala shartihima, c'est-à-dire la chaîne de transmission de ce hadith, elle respecte les conditions de Al-Bukhari et Muslim. Donc yani c'est un hadith qui est authentique. Maintenant, on va commencer à lire l'explication. Donc on va lire l'explication du cheikh Al-Fawzan qui va donner la définition, ou plutôt l'interprétation, l'explication du titre en premier, et qui va expliquer un petit peu le sujet de ce chapitre. Donc Cheikh Al-Fawzan, il dit « هذا الباب تابع للباب الذي قبله الباب الذي قبله في الذبح لغير الله وهذا الباب في الذبح لله لكنه في مكان كان يذبح فيه لغير الله وهذا ممنوع من باب سد الذرائع وهو تابع لما قبله فلا يجوز الذبح لغير الله ولا يجوز الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله لأن هذا من وسائل الشرك والنبي صلى الله عليه وسلم جاء لسد الطرق والوسائل التي تفضي إلى الشرك فنهى عن الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله ونهى عن الصلاة عند القبور لأن هذا من وسائل عبادة القبور وإن كان المصلي لا يصلي إلا لله ونهى عن الدعاء عند القبور وإن كان الداعي لا يدعو إلا الله لأن هذا وسيلة لدعوة غير الله ووسيلة لدعوة القبور ونهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها وإن كان المصلي لا يقصد بصلاته إلا الله لأن هذا وسيلة إلى عبادة الشمس عند طلوعها وعند عند غروبها كما كان المشركون يسجدون في هذين الوقتين فهذا الباب فيه منع الوسائل التي تفضي إلى الشرك. نعم. Donc ici Cheikh Al-Fawzan il explique que ce chapitre il suit le chapitre précédent, puisque le chapitre précédent était au sujet de du fait d'égorger pour autre que Allah, et c'est-à-dire d'offrir un animal ou d'égorger un animal pour autre que Allah. Maintenant, dans ce chapitre ici, on parle du fait d'égorger pour Allah, hein, pas pour autre que Allah, pour Allah, mais dans un endroit dans lequel les gens égorgent pour autre que Allah. Et le cheikh explique que cela était interdit. Et la raison pour laquelle cela est interdit, c'est pour éviter ou pour fermer la porte au dépassement ou bien aux égarements ou à qu'est-ce qui pourrait nous amener à qu'est-ce qui est yani interdit ou grave, comme, ou plus grave comme le shirk, le kufr. Donc, ça fait partie du principe qui est un des grands principes de la charia qu'on appelle en arabe « sad al-dhara'i'a ». Sad al-dhara'i', ça veut dire, yani, sad, ça veut dire bloquer, hein, ou fermer. Et al-dhara'i', c'est le pluriel du mot dhari'a. Et dhari'a, c'est-à-dire les choses qui pourraient être une cause ou un moyen ou quelque chose qui pourrait être utilisé pour amener quelqu'un à quelque chose. Donc, c'est dans le sens de fermer toutes les issues et toutes les portes qui pourrait faire tomber quelqu'un dans quelque chose de haram. Dans quelque chose de haram. Et le cheikh, il dit, wahua, donc ça, c'est le fait de d'expliquer ce principe-là. Ça suit le chapitre précédent, puisqu'il n'est pas permis d'égorger pour autre que Allah. Et on n'a pas non plus le droit d'égorger pour Allah dans un endroit dans lequel les gens font du shirk et dans lequel ils égorgent pour autre que Allah, puisque cela pourrait être une cause pour faire tomber les gens dans le shirk. C'est-à-dire que si par exemple les gens ils ont l'habitude d'aller égorger un animal pour une idole dans un endroit en particulier, et ils ont l'habitude d'aller faire des du'as là où il y a une idole par exemple. D'accord? Donc toi, tu es un musulman, tu vas pas faire ça. Tu vas pas adorer une idole, hein? Et tu ne vas pas non plus aller à l'endroit où les mouchriquins adorent une idole pour adorer Allah Azza wa Jal. Hein? Puisque ça, c'est interdit. Et si tu vas, par exemple, à cet endroit-là où il y a l'idole pour faire le sacrifice ou pour faire des adorations, les gens qui te verront là-bas, qu'est-ce qu'ils vont penser? Même si tu dis non, moi j'adore pas l'idole. Je viens pas pour faire ça pour l'idole. Je fais ça uniquement pour Allah. Mais qu'est-ce que les gens vont penser lorsqu'ils vont voir un musulman à cet endroit-là? C'est clair qu'ils vont voir que ils vont penser que ce musulman-là est en train d'adorer l'idole. Même si dans son cœur ou dans son intention, il ne le fait pas. Hein? Donc, ça, c'est pour cette raison-là que c'est interdit. Hein, c'est parce que ça pourrait amener des gens à comprendre que le fait de faire ce genre de choses-là est permis et ça pourrait les amener à tomber dans le shirk en pensant que d'adorer les idoles est correct, hein, ou que c'est pas mal, ou que c'est pas interdit. Donc, pour éviter, hein, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne nous a pas uniquement interdit ce qui est shirk, mais il nous a également interdit tout ce qui n'est, hein, tout ce qui n'est pas nécessairement shirk en soi, mais qui pourrait nous faire tomber dans le shirk ou nous amener à faire du shirk. Donc c'est ce qu'on appelle, hein, de protéger, hein, protéger la aqida des musulmans en leur interdisant des choses qui peuvent les amener, hein, à tomber dans des choses plus graves. De la même manière que des fois, on dit par exemple, Allah il dit dans le Coran, wala taqrabu zina, ne vous approchez pas de la fornication ou de l'adultère. Donc les ulama ils disent ça c'est plus sévère encore comme interdiction que le fait de dire ne faites pas le zina, puisque ne vous approchez pas du zina, ça veut dire même les choses qui peuvent t'amener à faire le zina, tu dois t'en écarter. C'est pas seulement du zina lui-même que tu dois t'écarter, hein, la fornication ou l'adultère. Tu dois t'écarter également de toute chose qui pourrait t'amener à tomber dans le zina. Donc ça, c'est encore plus fort. Et la même chose aussi, dans qu'est-ce qu'on est en train d'expliquer maintenant, c'est pas seulement que tu dois pas faire du shirk, mais tu dois t'écarter de tout ce qui pourrait te faire tomber dans le shirk. Donc c'est ça le cœur de ce sujet dont on parle dans ce chapitre. Et si on a compris ça, eh bien, ça va nous aider à bien saisir l'explication, justement, de ce sujet-là. Donc, l'interdiction de tout ce qui peut amener, hein, tout ce qui peut être un moyen ou une cause pour que quelqu'un tombe dans le shirk. Donc, par exemple, le cheikh, il explique, il dit, Allah nous a interdit de faire des sacrifices, hein, pour lui dans un endroit où on égorge pour autre que Allah. Et il nous a également interdit dans le même contexte, il nous a même interdit également de faire des prières, de faire des salawat là où il y a des tombes ou dans un cimetière. Parce que c'est quelque chose qui pourrait nous amener à tomber dans le shirk et dans l'adoration des tombes. Parce que les gens vont voir quelqu'un qui prie dans les tombes, ils vont dire, ah, si lui il le fait, ça veut dire que c'est correct. Ça veut dire que c'est permis. Et avec le temps, les gens, au lieu de prier à Allah, même si à l'origine ou au début, ils priaient uniquement pour Allah, mais avec le temps, les gens tombent dans l'égarement, puis ils imitent les mouchriquins et commencent à adorer les tombes. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Hein, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, beaucoup de musulmans adorer les tombes. Après, le cheikh il dit وَنَهَا عَنِ الدُّعَاءِ عِنْدَ الْقُبُورِ. Donc, Allah Azza wa Jal également nous interdit de faire des du'as. Hein, il nous interdit pas seulement de faire la salat là où il y a les tombes, mais il nous interdit également d'aller spécifiquement près d'une tombe pour faire des du'as. Même si on ne fait des du'as que à Allah. Pourquoi? Parce que le fait de rester près des tombes pour faire des du'as, hein, ça peut être une cause ou un moyen qui amène les gens à tomber dans le fait de faire des doigts pour autre que Allah et d'invoquer les tombes directement. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, malheureusement. D'accord? Donc tout ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de le faire pour nous préserver, hein, et pour empêcher justement de ce qu'on tombe dans le shirk. Et il a mentionné aussi l'exemple du fait qu'il est interdit pour nous de faire la salat au moment du lever du soleil et au moment du coucher du soleil. Même si on ne fait que adorer Allah à ce moment-là et qu'on adore personne d'autre que lui, mais étant donné que c'est le moment c'est les deux moments dans lesquels les mushrikoun adorent le soleil, eh bien au lever et au coucher, eh bien Allah Azza wa Jalla nous a interdit de prier dans ces moments-là justement pour fermer la porte, hein, à ce genre de shirk et d'imitation des mushrikin pour éviter de tomber dans qu'est-ce qui est shirk. Donc ça, c'est un point vraiment important à comprendre. Maintenant, on va lire le sharh de Qurrat Ayun al-Muwahidin du Cheikh Abdurrahman ibn Hassan. Donc il dit wa qawluhu babun la yuzbahu lillahi bimakanin yuzbahu fihi li ghayrillah ashara rahimahullah ila ma kana an-nas yaf'alunahu fi Najd wa ghayriha qabla da'watihim ila at-tawhid min dhabhihim lil-jinn wa talab ash-shifa limardahum wa yattakhidhuna lidh-dhabhi lahum makanan makhsusan في دورهم فنهى الله سبحانه الشرك بهذه الدعوة الإسلامية فلله الحمد على زوال الشرك والبدع والفساد بطلعة الداعي إلى توحيد رب العباد. Ça c'est une belle introduction. Ici le cheikh il explique que donc ce chapitre qui s'intitule l'interdiction ou bien de ne pas égorger pour Allah dans un endroit dans lequel on égorge pour autre que Allah, et le Cheikh Abdurrahman ibn Hassan qui est le petit-fils du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il dit que l'auteur, le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, dans ce chapitre il indique le fait que des choses que les gens faisaient à l'époque dans la région du Najd, c'est-à-dire dans la région de la péninsule arabe à l'époque, avant la da'wa du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, eh bien les Arabes, ils faisaient beaucoup les gens de cette région faisaient aussi du shirk, comme ce qu'on trouve actuellement dans beaucoup de pays musulmans, des exemples comme le Cheikh il mentionne, quand les gens faisaient des choses qui sont en contradiction avec le Coran et la Sunna avant la da'wa du Tawhid dans le Najd. Parce que la da'wa du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans cette région, elle a commencé à se propager très tôt au début de l'islam. Et puis quand l'islam s'est propagé partout dans le reste du monde, le Tawhid était établi. Sauf que, comme on le sait, petit à petit, les innovations se sont propagées. Et les gens de bid'a et les gens d'égarement ont commencé à introduire dans l'islam des pratiques et des croyances qui sont en contradiction avec l'islam. Et ces fausses croyances se sont propagées partout. Et c'était même revenu jusque à la péninsule, jusque même dans la Mecque et Médine, et même dans les différentes régions de la péninsule arabe. Donc les Arabes, comme le cheikh il le mentionne, avant la réforme et la revivification du Tawhid dans la région du Najd, les gens faisaient des sacrifices pour les djinns, ils cherchaient la guérison pour leurs maladies en demandant aux djinns, en demandant aux hommes pieux ou des choses comme ça en dehors d'Allah. Donc ils faisaient du shirk. Et ils prenaient des endroits où ils établissaient des endroits pour faire des sacrifices pour les djinns et pour les awliyas dans leurs différentes demeures. Et Allah Azza wa Jal a donc annulé le shirk dans cette région par cette da'wa que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a établie, qui a fait revenir le tawhid en force et qui a éliminé le shirk. Et donc la louange est à Allah Azza wa Jal du fait qu'il a enrayé dans cette région du monde les bid'a et le shirk et la corruption par yani, l'élévation de ce da'ya, ce prêcheur qui est appelé au tawhid, le tawhid du Seigneur des hommes, c'est-à-dire le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, qui a fait revivre le message de l'islam et le principe fondamental de l'islam qui est le tawhid. Donc, Cheikh Al-Fawzan, il fait quelques commentaires ici par rapport à ça. Il dit « Kanu fi Najd yazbahuna fil ghiran wa inda l'asjar wa al-ahjar wa yata'allakuna biha wa yatlubuna al-shafa'a wa al-mar'a tatlubu al-haml wa ghayri dhalik حتى جاء الله بدعوة التوحيد على يد المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فأزال عن المسلمين وعن بلاد المسلمين هذا الشرك بسبب الدعوة إلى الله عز وجل والصدق في الدعوة إلى الله فالذبح للأشجار والأحجار والغيران هذا موروث من مواريث الجاهلية. Donc le cheikh il explique que dans la région du Najd, les gens ils faisaient des sacrifices pour les grottes, pour les arbres. Ils allaient dans les grottes pour faire des sacrifices. Et en général, quand ils vont dans les grottes pour faire des sacrifices, c'est pour les djinns. Donc ils allaient faire ça. Et ils faisaient des sacrifices aux arbres et aux pierres. Et ils s'accrochaient à ces choses-là en dehors d'Allah. Et ils demandaient l'intercession. Et parfois même la femme, elle pouvait aller faire ce genre de shirk. Et puis, elle fait ça pour demander un enfant ou demander d'être enceinte, par exemple. Ou d'autres choses. Soit parce que quelqu'un est malade, il demande la guérison. Ou des choses comme ça. Jusqu'à ce que Allah Azza wa Jal amène cette da'wa au tawhid par la main du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, qui a été un réformateur, un revivificateur de la religion d'Allah. Et c'est ainsi que le cheikh a éliminé par la grâce d'Allah toutes différentes formes de shirk qui étaient existantes dans les pays musulmans par la cause de cette da'wa à Allah et à cause de la sincérité qu'il a eue aussi dans la da'wa qu'il a fait. D'inviter les hommes à Allah. Et donc, toutes les choses que les gens faisaient comme ça, le fait de sacrifier pour les arbres, ou pour les pierres, ou pour les grottes, tout ça, c'est des choses qui ont fait partie de l'héritage de la jahiliya. Et c'est ça aujourd'hui que certains essaient de faire revivre au nom de l'histoire, au nom du patrimoine de l'humanité, au nom de la culture, au nom de... Donc on entend toutes sortes de choses comme ça. L'UNESCO qui essaie de préserver des restants de civilisations anciennes, mais en réalité c'est des civilisations qui étaient basées sur le shirk, et c'est des idoles, et c'est toutes sortes d'autres formes d'égarements que ces gens-là essaient de ramener pour essayer de ramener les gens au kufr et au shirk, et pour leur dire, regardez, avant, vos ancêtres, ils faisaient ça. Ils adoraient ces choses-là. Donc, il faut respecter ça, il ne faut pas condamner ça, parce que ça fait partie de nous, ça fait partie de notre histoire, soi-disant. Donc, tout ça, c'est des ruses du shaitan pour égarer les gens et pour les faire dévier de la foi en Allah Azza wa Jal et en son tawhid, et pour les égarer du message des messagers que Allah a envoyé. Donc il faut vraiment faire attention à ces choses-là, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a annoncé déjà que vers la fin des temps, il y a une partie des gens qui vont retourner au shirk, et qui vont retourner à l'adoration des idoles. Donc il faut faire en sorte que on ne fasse pas partie de ceux-là et que Allah nous en préserve. Ensuite, le cheikh il explique, il dit en ce qui concerne ceux qui faisaient des sacrifices pour autre que Allah et qui faisaient des sacrifices pour les djinns. Le cheikh Al-Fawzan il dit "Aw yazbahuna lil jinn min ajli ash-shifa." وهذا يفعله المشعوذون الآن إذا ذهب إليهم المريض يقولون له اذبح كذا ولا تسمي عليها الله تقربا إلى الجن حتى لو قال بسم الله ما دام أنه يقصد التقرب إلى الجن فهو شرك بالله عز وجل ولو ذكر اسم الله عليه لأن العبرة بالمقصد والنية ولو ذكر اسم الله عليه فهو شرك. Donc ici, le cheikh, il explique que ces gens-là, ils faisaient des sacrifices aux djinns pour obtenir la guérison ou bien pour obtenir autre chose. Et ça, c'était fait auprès des sorciers, des charlatans. Et yani Allah al-Musta'an, tous ceux qui pratiquent toutes ces différentes croyances. Et il y en a encore jusqu'à aujourd'hui dans les pays musulmans des gens qui font ça. Et j'ai parlé de ça plusieurs fois, mais j'avais un livre que j'avais trouvé. J'avais un livre que j'avais acheté dans une librairie à Montréal, et ça s'appelait Les pèlerinages au Maroc. Et dans ce livre-là, c'est un livre écrit par une chercheuse, une ethnologue d'une université catholique en Europe, je pense que c'était aux Pays-Bas ou bien en Hollande. À la kulli hal, yani, elle est partie vivre au Maroc pendant quelques années et elle s'est mélangée avec la population dans les villages, dans les villes. Et elle a vécu avec eux. Et elle a voulu donc faire des rapports. Elle a écrit tout ce qu'elle a vu, tout ce qu'elle a entendu de la part des villageois, de la part des gens, lorsqu'ils célèbrent yani, la fête des Aulia, soi-disant, et qu'ils vont dans les pèlerinages pour ces tombes, pour ces saints, et même parfois pour les grottes. Ils vont faire des pèlerinages pour les djinns dans des grottes. Subhanallah. Et ils expliquaient également parfois certaines cérémonies qui étaient faites. C'est des groupes au Maroc, des sectes qui existent. C'est pas seulement au Maroc, il y en a aussi dans d'autres pays du Maghreb, mais c'est des groupes qu'on appelle les Gnawa, ou bien on les appelle aussi, il y a d'autres groupes comme les Isawiya, et il y en a d'autres également. Et tous ces groupes et ces sectes sont d'influence soufie, et ce sont des gens qui font des pèlerinages, qui font du shirk et qui font du sihr aussi. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils vont par exemple, si quelqu'un il a un problème, il va voir, et la femme dont je parle là, qui a écrit le livre Les pèlerinages au Maroc, elle s'appelait Feneke Reissou. Ça s'écrit F-E-N-N-E-K-E, et Reissou, c'est R-E-Y-S-O-O. Donc dans ce livre-là, il y a plein d'exemples de qu'est-ce qu'elle a vu et dont elle a témoigné. Et ça, c'est un d'entre les livres qui ont été écrits à ce sujet-là. Il y en a beaucoup d'autres. Une des raisons pourquoi les koufars, les mouchriquins, les chrétiens et les juifs aiment écrire sur ce genre de sujet, c'est justement parce que ils aiment utiliser ça comme un prétexte pour appeler les musulmans au shirk et au christianisme. Parce qu'il leur dit, écoutez, si vous êtes capable de faire des exemples de shirk comme ça pour les tombes et pour les saints et pour les morts musulmans, pourquoi pas le faire pour Mariam? Pourquoi pas le faire pour Isa? C'est quoi la différence? Hein? Donc ça, c'est la shubha, hein, qu'il ramène pour justifier le shirk, pour justifier le christianisme auprès de ces musulmans-là qui n'ont pas de connaissance du tawhid et de la base, des bases et des fondements de l'islam, hein, dans les pays musulmans, sallallahu alayhi wa sallam. Donc il montrait, il y en a des exemples de gens qui passaient par dans une grotte, il y en a pour faire un pèlerinage à un des djinns qu'ils adorent en dehors d'Allah. Et puis il disait, si la personne, le djinn n'a pas accepté son sacrifice, peut-être qu'elle reste bloquée dans la grotte, elle ne peut pas traverser. Il y en a plein de shirkiyat. Yani aussi les Gnawa, ils avaient des sacrifices qu'ils faisaient pour des djinns, et la personne, elle devait yani selon le, ils faisaient des en tout cas ils donnent à la personne quelque chose, par exemple ils lui disent quelque chose, après ça la personne elle revient puis elle va dire par exemple, oui j'ai rêvé de telle chose ou de telle chose. Alors si, selon qu'est-ce qu'elle mentionne par rapport à son rêve, ils vont dire, bon, si c'était ça, alors ça veut dire que le djinn qu'on doit adorer, c'est un tel ou un tel ou un tel. Et chaque djinn, supposément, il a une couleur qu'il aime et il a un rythme de tambour qu'il aime. Et... il a un animal qu'il préfère, alors ils vont lui dire, tu dois égorger tel animal, si c'est tel djinn, alors c'est tel animal, et on doit porter telle couleur, et on doit faire tel rythme de tambour, et telle danse, à la kulli hal, yani Allah al-musta'an. Après ils vont lui mettre, quand ils égorgent l'animal, ils mettent du sang de l'animal sur la personne, et là ils commencent à danser, puis ils font toutes sortes de d'égarements. Puis à la fin, quand ils ont fini de faire toute la cérémonie, là, ils mangent l'animal, hein, ils le préparent à manger, puis ils le mangent ensemble. Allah al-musta'an. Donc le cheikh, il explique ça. Il donne un exemple à ce sujet-là. Il dit, ces gens-là, ils égorgent pour les djinns, ils font des sacrifices pour les djinns, soit pour la guérison ou des choses de ce genre. Et il dit, maintenant, il y a des gens, quand ils sont malades, ils vont aller voir ces gens-là, et eux, ils vont lui dire, par exemple, ou ils vont leur dire à la personne, fais tel sacrifice, et ils vont lui dire, des fois, ne pas dire le nom d'Allah, hein, sur cet animal, parce que c'est dédié au djinn. Et il dit que, même s'il disait le nom d'Allah, du moment que l'animal a pour but d'être donné pour se rapprocher du djinn, c'est du shirk avec Allah, même si on a mentionné le nom d'Allah. Donc il dit, l'important c'est pas seulement qu'est-ce qu'on a prononcé, mais surtout aussi c'est l'intention qui compte. Donc même si on a mentionné le nom d'Allah, mais que c'est pour autre que Allah, eh bien c'est du shirk quand même, hein. Ensuite, il explique un autre point. Il dit donc que ces gens-là, ils prenaient même un endroit dans leur demeure pour ces sacrifices-là qu'ils faisaient. Et le cheikh, il dit, « Fi durihim, ou fil ghiran, ou inda l'ashjar, ou fil amkina, hasba ma yukhattitu lahum shayatin al-ins wal-jinn, al-makan al-fulani, iza dhabahta fihi yahsul kaza, أو تمسحت به يحصل لك كذا وكذا أو أخذت بترابه أخذت من ترابه. Donc Cheikh explique, il dit, dans les demeures il le faisait, et également dans les grottes, là où il y a des certains arbres, hein, et dans des endroits autres, peu importe, selon qu'est-ce que le shaitan leur a dicté, hein, qu'est-ce qu'il a dicté, ou bien les hommes, ou bien les djinns. Allah al-Musta'an, il y a des diables humains, il y a des diables djinns aussi. Donc peu importe qu'est-ce que le shaitan leur a dicté, que ce soit un djinn ou un homme, il leur dit va à tel endroit, il va t'arriver telle chose, va sacrifier à tel endroit, il va arriver telle chose, et puis tu prends de la terre de cet endroit-là ou de la poussière de cet endroit, et ainsi de suite. Il leur donne des consignes. Donc tout ça, c'est des exemples de shirk. Et moi, franchement, quand j'ai lu ça, j'avais du mal à croire que, la première fois que j'ai entendu ces choses-là, j'avais du mal à croire que des choses pareilles pouvaient être faites par des gens qui se disent musulmans. Surtout si quelqu'un, il a lu le Coran, il a lu les hadiths du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Comment un musulman pourrait faire ça? Adorer les djinns, faire des adorations pour les djinns, faire du sihr. A'udhu billah. Mais quand j'ai vu ça, quand j'ai lu ça, ça m'a fait vraiment penser à l'exemple de ce que les Haïtiens font, et d'autres peuples également qui pratiquent le voodooisme, l'adoration des djinns. Le voodooisme, là, les koufars, ils pensent que c'est seulement la sorcellerie. Mais le voodooisme, là, c'est beaucoup plus que ça. En réalité, c'est l'adoration des djinns. C'est l'adoration des djinns. C'est une religion, en réalité. C'est pas seulement le sihr. Le sihr, c'est une partie. C'est une partie du voodooisme. Mais c'est pas tout le voodooisme. Parce que le voodooisme, c'est une déformation des enseignements différentes religions. Il y a de l'animisme mélangé avec ça. Et c'est l'adoration des djinns. Et c'est le shirk. Et le kofr. Et il y a du sihr aussi là-dedans. Il y en a qui pratiquent le voodooisme, soi-disant, c'est pour, soi-disant pour des raisons de guérison ou bien pour guérir de certaines maladies. Pourquoi? Parce que les djinns, ils connaissent les plantes, connaissent les différentes plantes. Alors, quand quelqu'un est malade, eux, ils font des sacrifices aux djinns et en échange, le djinn leur dit, c'est à telle place, vous allez trouver telle plante, cette plante-là, elle est bonne pour telle affaire, telle chose. Donc, ils justifient le shirk, pour des prétextes de guérison ou de santé ou des choses de ce genre. Sauf que y a rien qui peut justifier le shirk, puisque le résultat ou la rétribution du shirk, c'est l'enfer éternel. Donc il y a d'autres moyens de trouver des guérisons que par le shirk. Nasallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, le cheikh, il dit, فنفى الله سبحانه الشرك بهذه الدعوة الإسلامية. Donc il dit, Allah Azza wa Jal, il a éliminé donc le shirk dans cette région du monde, en particulier en Arabie, par cette da'wa islamique. Et le cheikh Al-Fawzan, il dit, يعني كما محاه من قبل بدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم فهذه الدعوة تابعة لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم وهي تجديد أصل الدعوة دعوة الرسل دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم والعلماء يجددونها في كل وقت ويبعثهم الله مجددين. Donc le cheikh, il explique un point ici, c'est important. Il dit que le shirk a été enrayé, Allah Azza wa Jal a enrayé le shirk dans cette région par la da'wa islamique du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, de la même manière qu'il l'avait enrayé auparavant par la da'wa du messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit que la da'wa du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, elle est en accord avec la da'wa du messager sallallahu alayhi wa sallam, puisque elle a pour but de faire revivre la base de cette da'wa, qui est la da'wa du messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de la ramener, de la faire revivre, de la revivifier, de lui donner un nouveau souffle, parce que, qu'on le réalise ou non, dans les pays musulmans et dans les pays non musulmans, il y a des gens qui travaillent pour éteindre la da'wa des messagers, et pour contrer la da'wa des messagers, et pour éliminer la da'wa des messagers. Et donc, c'est pour cette raison, comme le cheikh il explique, il dit que à chaque époque, Allah Azza wa Jal fait en sorte qu'il y ait des ulama qui font revivre la da'wa des messagers, et Allah Azza wa Jal les fait venir régulièrement comme ça pour revivifier sa religion. Et c'est pour cette raison-là que la religion de l'islam, elle garde toujours sa vivacité, sa force et sa pureté, parce qu'il y a à chaque fois des réformateurs qui viennent pour nettoyer l'islam des innovations et des égarements que les gens essayent d'introduire dans cette religion-là. Donc, Alhamdulillah, Rabbil Alameen. Alhamdulillah. Et le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, eh bien, ça a été l'un d'entre ces réformateurs-là. Parce qu'il y en a d'autres, il y en a eu d'autres, de grands ulama dans l'islam. L'imam Ahmad, Cheikh Ibn Taymiyyah, Ibn Al-Qayyim, et également le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, et beaucoup d'autres. Donc, Allah Azza wa Jal, il préserve l'islam par ces hommes, par ces hommes-là, parce que ce sont des hommes qui ramènent les gens au Coran et à la Sunna. Ensuite, le Cheikh, il explique yani, que c'est la louange est à Allah Azza wa Jal du fait que ce shirk a été enrayé, ainsi que les innovations, les bid'ah et la corruption, et que la da'wah au tawhid a pu s'élever en force et prendre de l'ampleur. Et le Cheikh Al-Fawzan, il dit à ce sujet-là, il dit « Alhamdulillah, هذه نعمة عظيمة على هذه البلاد. نسأل الله أن يديمها. » Donc ici le cheikh il commence, il dit c'est la louange à Allah. Louange à Allah pour cette grâce immense dans laquelle est ce pays, en parlant de l'Arabie Saoudite. Et on demande à Allah Azza wa Jal de faire en sorte que cette grâce elle puisse continuer à s'épanouir et à grandir. Pourquoi? Parce que, et je sais que il y a malheureusement beaucoup de gens qui ont la rage et qui ont une haine contre l'Arabie Saoudite pour différentes raisons. Des fois, c'est pour des raisons des raisons justement de bid'ah, parce qu'ils sont sur des bid'ah, ou parce qu'ils sont sur des positions par rapport à l'islam qui sont yani, en contradiction avec le Coran et la Sunna. Et ils n'aiment pas que la charia soit appliquée, parce qu'ils ont la haine contre la charia. Ils ont la haine contre la Sunna. Ils ont la haine contre le tawhid. Parce qu'ils aiment la bid'a et ils aiment le shirk. Donc quand ils voient un pays dans lequel le tawhid et le shirk est appliqué avec force, ça les dérange. D'accord? Et ces gens-là, ils ne voient que des choses négatives dans la da'wah en Arabie Saoudite. Ils ne voient rien de positif. Et ils s'allient avec les kuffars pour critiquer l'Arabie Saoudite. Et ils oublient, parce qu'il y en a beaucoup qui disent « Ah, ça c'est le pétrole, l'Arabie Saoudite c'est le pétrole » et ainsi de suite. Ils oublient qu'en réalité, la da'wa du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, elle s'est implantée en Arabie Saoudite, même avant que le pétrole soit découvert. C'est-à-dire que, quand le Cheikh a commencé sa da'wa, c'est dans les années 1800 et quelques, à peu près, et qu'il a appelé les Arabes de la région à revenir au tawhid et à la sunna, il n'y avait pas de question de pétrole à ce moment-là. Il n'y avait pas de question de pétrole. La da'wa était établie sur le Coran et la sunna, et les pays arabes et les pays non-arabes musulmans de l'époque, ils étaient presque tous sous la domination occidentale. Ils étaient presque tous colonisés, excepté cette région du monde. Une des raisons pour ça, c'est à cause justement du climat aride de cette région que les Occidentaux ne pouvaient pas endurer. Alors, il n'osait même pas rentrer là-bas. De toute façon, il ne considérait pas qu'il y avait quoi que ce soit d'important dans cet endroit-là. Hein? Mais c'est plus tard que le pétrole est venu en jeu. Et alhamdoulillah, par la grâce d'Allah, ça a été une force pour les gens du Tawhid. Et ça a été une cause pour que, justement, on puisse propager la science encore plus. Et on demande à Allah Azza wa Jal que toutes ces grâces-là puissent continuer à yani, être utilisées pour défendre la vérité et propager la lumière dans le monde. Donc le cheikh, il dit, Allah Azza wa Jal, il dit que Allah Azza wa Jal, par sa grâce pour ce pays, hein, il a fait en sorte que ce pays soit sur le tawhid, et on demande à Allah Azza wa Jal qu'il fasse que cela continue et dure. Et on le voit par exemple à cause de ça, c'est un des pays musulmans les plus stables, hein, et qui a le plus de progrès, pas seulement dans les questions de la religion, mais dans les questions de la dunya. Hein, même dans la dunya, Allah leur a donné plein de grâces, hein, parce qu'ils se sont attachés à l'islam. Donc s'il y a d'autres pays musulmans dans le monde qui hésitent, hein, de prendre la même voie, ou qui hésitent de s'accrocher à la religion comme il faut, en pensant que s'ils le font, ils risquent de manquer de quoi que ce soit, eh bien, ils doivent mettre leur confiance en Allah et savoir que c'est lui Ar-Razzaq, que c'est lui qui donne le risque, et que si on s'accroche à l'islam, hein, on peut, il n'y a pas de mal qui peut nous arriver en réalité, puisque on est sur le chemin d'Allah Azza wa Jal. Mais il y a beaucoup de gens qui ont un manque de certitude par rapport à ces choses-là. Donc on demande à Allah Azza wa Jal de les guider. Le Cheikh Al-Fawzan, il dit ensuite: ولكن الآن أعداء الإسلام يحاولون أن يزيلوا هذه الدعوة من هذه البلاد فصاروا يكتبون ويحضرون ويلقون الشبه ويلقون أيضا الحجج الباطلة ويزهدون في هذه الدعوة ويقولون الناس كلهم مسلمون ويقصدون بالناس عباد القبور والمبتدعة وهذا قصدهم يريدون أن لا يكون هناك فرق بين أهل السنة والجماعة وبين الفرق الضالة أو القبورية أو الصوفية كلهم مسلمون وابن عبد الوهاب ما جاء بشيء بل هو ظلم الناس واتهمهم بالكفر والشرك ويقولون هذا الآن ويكذبون أو يقولون بحرية الرأي وحرية القول وكل يبدي ما عنده ولا يمنع أحد حتى ما ينكر الشرك يقولون هذا رأي وهذه عقيدته دعه يجاهر بها ويصرح بها هكذا يقولون الآن يريدون أن يقتلعوا هذه الدعوة المباركة من أرض التوحيد ومنبع الرسالة فإذا اقتلعت هذه الدعوة من بلاد التوحيد ومن أرض الحرمين الشريفين سهل بقية العالم. Donc le cheikh, il explique maintenant les ruses des kuffars et des ennemis de l'islam et des gens de bid'ah et des gens des garments par rapport à l'Arabie Saoudite et par rapport aux pays musulmans en général, mais en particulier l'Arabie Saoudite, parce que c'est le cœur des pays musulmans. Et donc le cheikh, il dit, aujourd'hui, les ennemis de l'islam, ils essaient d'éliminer la da'wah du tawhid de ce pays. Et ils commencent à écrire et à faire des conférences et à jeter des shubuhat, hein, et ils essaient de ramener des faux arguments pour essayer d'éloigner les gens de cette da'wah du tawhid et de la sunna. Et ils disent, tout le monde est musulman. Et quand ils disent tout le monde est musulman, ils veulent dire par là les adorateurs des tombes et les gens de bid'a, hein, les shi'a rafida, hein, et les jahmiya, et ainsi de suite. Et toutes les sectes d'égarement et les groupes, les turqs d'hérésie, Ils ne veulent plus qu'on distingue entre un musulman et un autre par rapport à sa aqida, par rapport à son manhaj. Non. Tu dis musulman, musulman. Ça veut dire que maintenant, de dire musulman, ça devient une parole qui n'a plus de sens. Puisque tout le monde peut dire qu'il est musulman, peu importe qu'il croit réellement à l'islam ou non. Peu importe qu'il pratique l'islam ou qu'il pratique des innovations qu'il a inventées lui-même et qu'il appelle islam. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce que c'est l'islam? Si tout le monde peut inventer son propre islam, alors il n'y a plus d'islam. Hein? Donc c'est ça qui les embête. Et c'est ça qu'ils veulent enrayer. Hein? Et donc le cheikh, il explique, ils disent tout le monde est musulman, même les adorateurs des tombes, même les innovateurs, ce sont des musulmans. Hein? Et donc ils ne veulent pas qu'il y ait de distinction entre les gens de Ahl Sunnah wal Jama'a et les autres sectes d'égarement comme les Quburiyya, les adorateurs de tombes, et les Soufiyya. Hein? Tous sont musulmans. Et ils disent que Mohammed ibn Abdul Wahhab, il n'a rien ramené de différent ou de spécial. Hein? Il a juste fait de l'injustice. Il a accusé les gens de kufr et de shirk. Hein? C'est ça ce qu'ils disent aujourd'hui, et c'est ça. Et le cheikh, il dit ça, c'est des mensonges en réalité. Et aussi, ils disent qu'il faut que tout le monde ait la liberté de dire ce qu'il veut et de croire en ce qu'il veut. Hein? Et ils disent, chacun, il ramène ce qu'il a et ce qu'il pense. Et on ne doit pas empêcher personne de s'exprimer ou de dire ce qu'il a comme idée ou comme croyance, même si ça contredit le Coran, même si ça contredit la Sunna authentique et explicite, même si ça contredit le Tawhid, même si c'est du shirk, même si c'est du kufr, c'est pas grave. Chacun il a le droit de croire en ce qu'il veut et d'exprimer ouvertement ce qu'il veut et de dire explicitement ce qu'il pense. Hein? Et c'est ça qu'ils disent, le cheikh. Le cheikh, il dit, c'est ça qu'ils disent aujourd'hui. C'est ça qu'ils disent maintenant. Et ça, même parmi les gens qui sont là-bas en Arabie, parmi les Saoudiens ou bien parmi les gens de d'autres pays aussi, dans les médias arabes, hein, Allah al-Musta'an. Moi, je ne réalisais pas à quel point les médias arabes étaient corrompus comme ça. Et comment ils propageaient toutes sortes de bêtises. Jusqu'à ce que j'aille chez yani, des proches hein, de la famille qui sont arabophones, des gens de la famille, et puis je regarde les trucs qu'ils voient, eux, qu'ils écoutent, des émissions d'actualité, des émissions de politique, des émissions de trucs comme ça. Il y a aussi des chaînes sur YouTube. Et les choses qu'il radote et qu'il raconte sur ses chaînes et sur ses médias en arabe, Allahu al-Musta'an. C'est comme si ce sont des gens, si tu les vois, tu ne peux pas savoir, déjà en partant, tu ne peux pas savoir certains d'entre eux, est-ce que ce sont des juifs, est-ce que ce sont des chrétiens, est-ce que ce sont des athées, est-ce que ce sont des communistes, est-ce que ce sont des laïcs? Est-ce que ce sont des musulmans? Tu ne peux même pas les distinguer. Déjà, tu ne peux même pas savoir. Et quand ils parlent, il n'y a aucune référence à l'islam. Même tu ne peux même pas savoir s'ils sont musulmans par leur façon de parler. Même des choses qui sont fondamentales et connues en islam, ils en parlent comme si ces choses-là n'existaient pas. Comme si le Coran et la Sunna n'existent pas pour eux. Hein? Et ils parlent en arabe. Alors tu dis, tu les vois, tu les entends, tu dis, c'est des musulmans, hein? En principe, tu penses que ce sont des musulmans, mais en réalité, tu peux pas savoir. Et la façon dont ils abordent les questions et les sujets de religion et de société, c'est la même façon que ces sujets-là sont abordés par les koufars en Occident. Donc c'est vraiment aberrant de voir des choses comme ça, d'entendre des choses comme ça. Tu dis, c'est comme si quelqu'un qui a une lumière avec lui, mais il décide intentionnellement, alors qu'il est dans une noirceur, dans les ténèbres, il décide volontairement et intentionnellement d'éteindre sa lumière et de marcher dans les ténèbres. hein, sans guidance. Et il dit, et il pense que c'est ça la vérité et le droit chemin, et que c'est ça le bien pour les musulmans. Et le triste, qu'est-ce qui est le plus triste, c'est qu'il y a des gens qui écoutent ces émissions-là, qui écoutent ces gens-là qui parlent et qui disent n'importe quoi sans aucune compréhension, sans aucune connaissance, mais parce que ces gens-là ont des diplômes, ou parce qu'ils ont étudié chez les koufars, ou parce qu'ils ont un costume avec une cravate, un veston, hein, et qu'ils sont bien rasés, eh bien, tout d'un coup, ce qu'ils disent est crédible, alors que ça ne vaut rien du tout. Allah al-Musta'an. Donc, tout ça pour dire, yani, Allah al-Musta'an, comme le cheikh il l'explique, il dit, ces gens-là, ils veulent enrayer la sunna. Et même, tu le vois, et c'est clair que c'est ça leur objectif. Quand tu vois, par exemple, comment ils combattent la salafia dans le monde, et en particulier en France, comment ils combattent la da'wa salafia par des moyens injustes et malhonnêtes, par des mensonges, hein, et par des falsifications et des déformations de la réalité, d'accuser les innocents, alors que ceux qui sont les vrais coupables, ils les élèvent, ils les glorifient. C'est vraiment, yani, Allahu al-Musta'an, c'est incroyable de voir des choses comme ça. Là maintenant, tu vois, par exemple, j'ai remarqué depuis quelques semaines, ils ne parlent que des talibans dans les médias, par exemple. Hein? Et les talibans, tout le monde sait que ce sont des soufis. Hein? Les talibans, c'est des soufis, c'est des diobandis. Hein? Ils sont de l'école des diobandis, hein? Ce sont des hanafis extrémistes. Et ils sont maturidis dans l'aqida, ils déforment les attributs d'Allah, comme les asha'ira. Et dans leur tariqa, ils sont sur des turcs soufis. Hein? Et ils ont toutes sortes de bid'a et de shirkiyat dans leurs croyances. Et ça, c'est connu. Mais pourtant, quand ils parlent des musulmans, hein, ils disent les djihadistes, ils disent toujours les salafis djihadistes. Pourtant, c'est des soufis. Hein, c'est les ennemis des salafis, ces gens-là. Ce n'est pas des salafis. Ils détestent les salafis. Hein? Subhanallah. Donc, c'est ça qui est incroyable. Ils ne vont pas dire des djihadis soufistes ou des soufistes djihadistes. Ils ne disent pas ça. Mais ils vont dire salafis djihadistes automatiquement, alors que ce sont des soufis. Ça, c'est juste un exemple pour montrer, yani, comment ces gens-là sont malhonnêtes. Et Al-Hajj Omar Al-Fouti, au Sénégal, celui qui a installé la tariqa Tijaniya, hein, il a fait le djihad contre, non seulement contre les animistes et les autres mushrikines, mais il a fait le djihad contre d'autres musulmans aussi, qui étaient d'une autre tariqa que lui. Même si ça, ce n'est pas un djihad fi sabilillah, c'est un djihad fi sabil Tijaniya. Mais ils ne les ont pas appelés des soufis djihadis. Hein? Tout ça pour dire comment ils manipulent les choses et comment ils jouent avec les termes. Nasallallahu al-afiyah. Et tout ça, c'est dans le but, par la suite, de jeter le blâme et le tort sur les salafis. Parce qu'ils les mettent tous dans le même paquet. Et pour eux, hein, le premier objectif, c'est de justement d'enrayer la da'wa salafia. Donc ils passent par 10 000 chemins, mais à la fin, leur objectif, c'est ça, parce qu'ils savent que les vrais représentants de l'islam, tel que l'islam a été envoyé par Allah au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et tel qu'il a été suivi par les sahaba et par les tabi'in et les tabi'in, ceux qui ont établi cet islam dans le monde, partout dans le monde, ce sont les gens qui étaient, hein, sur cette salafia, sur la aqida des salafs, sur la voie des salafs, sur la compréhension des salafs et la méthodologie des salafs. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, inshallah. On continuera la semaine prochaine, bi'idhnillah, la suite de l'explication de ce chapitre. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك